Section 53 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 12, quatrième partie. Venceslav, Robert, Sigismond, par Georges Blondel. Début de Venceslav, progrès de la Ligue Souabe. Si peu utile à l'Empire qu'ait été en définitive le règne de Charles IV, ce prince conserve cependant une certaine auréole de gloire. Son successeur, Venceslav, a mérité les surnoms d'ivrogne et de fainéant. Dès le début de son règne, 1378, Venceslav se heurta, il est vrai, à de grosses difficultés. Il eut en face de lui la Ligue Souabe et le schisme d'Occident. Une guerre terrible avait éclaté dans l'Allemagne méridionale entre la Confédération des villes souabes et le prince le plus puissant de la contrée, le comte Eberhard de Württemberg, soutenu lui-même par diverses ligues de nobles et de chevaliers. Dans un sentiment de défiance à l'égard des villes, la bulle d'or avait interdit toute union formée sans l'assentiment des princes. Mais cette défense était demeurée lettre morte, et la grande ligne souabe, dont le but principal était de faire à l'élément bourgeois une plus large part dans le gouvernement du pays, avait fini par unir toutes les villes libres de l'Allemagne et du Sud, en une confédération presque indépendante. Les villes, dit la chronique de Limbourg, avaient formé cette alliance avec grande sagesse, travaillant au maintien de leur honneur, en même temps qu'à la commune prospérité du pays. L'essor de la vie commerciale avait tellement accru leur puissance qu'elles eurent d'abord le dessus. Mais il ne faudrait pas croire qu'elles fussent toutes devenues des foyers d'aspirations généreuses et d'idées libérales. Elles avaient conservé l'esprit d'exclusivisme de l'époque féodale, et c'est ce qui assura la victoire finale de leur adversaire. Les princes trouvèrent en effet le moyen de relâcher les liens qui les rapprochaient les unes des autres, et le 21 juin 1381, les quatre électeurs rhénans se déclarèrent hautement contre elles. Quant à Venceslav, il essaya d'abord de soutenir les villes contre les seigneurs, mais il ne pouvait se montrer entièrement favorable à ces puissances rivales qui prétendaient constituer en dehors de lui, et même contre lui, de véritables états indépendants. Après de longues négociations, l'union de Heidelberg, 26 juillet 1384, réunit un instant les princes et les villes dans une même paix publique. Mais les discordes se ranimèrent bientôt. Fier de sa puissance et de l'adhésion de quelques villes nouvelles, la Ligue Souabe, dont Ulm était devenue comme la capitale, tenta de nouveau d'entraîner les villes du Rhin et celles de la Suisse. Nouvelle victoire des Suisses. La maison de Habsbourg cherchait depuis longtemps à dissoudre par la ruse ou par les armes la confédération des huit cantons. L'empereur Charles IV avait refusé d'intervenir, et après avoir été deux fois repoussé, sous les murs de Zurich, les ducs autrichiens s'étaient résignés à traiter. 1358. Mais en 1385, sous prétexte de punir les habitants de Lucerne de différentes usurpations, les hostilités recommencèrent. Le duc Léopold de Troyes, étant venu avec la fleur de la chevalerie souabe attaquer les confédérés près de Seine-Par, fut complètement défait et périt avec la plupart des siens. 9 juillet 1386. La victoire fut attribuée par des récits postérieurs au dévouement d'Arnold de Winkelried, qui aurait, au prix de sa vie, ouvert une brèche dans le rempart des piques autrichiennes. Léopold IV tenta vainement de venger son père. Il fut vaincu lui-même à Neffels le 9 avril 1388 et dut signer en 1389 une trêve qui laissait aux Suisses toutes leurs conquêtes. La paix de 1394 reconnut l'indépendance des confédérés. Les victoires de Seine-Par et de Neffels peuvent être regardées comme le véritable point de départ de l'indépendance helvétique. À partir du XVe siècle, les Suisses deviendront conquérants à leur tour et, par une série d'annexions, donneront à la Confédération l'étendue territoriale qu'elle conservera jusqu'en 1801. Déposition de Venceslas Robert. Eberhard de Württemberg remportait pendant ce temps sur la Ligue Swabe la victoire décisive de Döffingen, 26 août 1388, tandis que les villes du Rhin étaient battues à Worms, 6 novembre, par l'électeur palatin Robert. Venceslas voulut profiter de cette situation pour proposer une paix générale qui devait, dans sa pensée, mettre fin à toutes les ligues, à celle des villes comme à celle des nobles. Ses efforts n'eurent aucun succès. La brutalité de ses manières et la violence de ses procédés provoquèrent, même en Bohême, une formidable opposition. Il fut jeté en prison et ne put recouvrer la liberté qu'au prix d'importantes concessions. L'Allemagne lui devint indifférente, son influence y diminua de plus en plus. Mais les villes allemandes ne se relevèrent pas de leur défaite. Elles nous apparaissent comme de plus en plus divisées par les rivalités des factions. Les classes inférieures de la population cherchent à s'emparer de l'administration urbaine, tandis que l'ancienne aristocratie se refuse à tout partage de ses privilèges. Le grand schisme qui divisa l'Église chrétienne en 1378 fut encore plus funeste à Venceslas. Il voulut se concerter avec le roi de France, Charles VI, pour déposer les deux papes. Dès que celui de Rome fut informé de cette nouvelle, il réussit à exciter contre Venceslas la noblesse allemande, déjà très irritée. Les trois électeurs ecclésiastiques et l'électeur palatin du Rhin, sous divers prétextes, le déposèrent et élurent à sa place l'électeur palatin lui-même, Robert de Wittelbach, 1400. Réduit à ses états héréditaires, Venceslas se désintéressa complètement de l'Allemagne. Il mourut à Prague en 1419. Robert, dit un chroniqueur, abondait en bonnes intentions, mais il n'avait pas en main un pouvoir suffisant pour fortifier le droit et combattre l'injustice. Aussi eut-il bien tort d'inaugurer son règne par une expédition contre Jean Galeas Visconti de Milan. Il se fit battre par lui sur les bords du lac de Garde. De retour en Allemagne, il tenta vainement de renouveler les interdictions de ses prédécesseurs contre les ligues. Il ne parvint même pas à dissoudre celle de Marbach qui s'était formée contre lui. La Sainte Veume. Robert fut mieux inspiré en favorisant une autre association qui avait pour but de maintenir la paix publique, la Sainte Veume, juridiction rendue fameuse par les romans de chevalerie et les poésies de Goethe et de Kleitz, qui lui attribue un caractère redoutable. La critique mieux informée prouve que le tribunal veymique se rattachait aux anciens tribunaux où les comtes, entourés d'échevins, rendaient la justice. Peut-être le comte qui présidait le tribunal veymique avait-il reçu jadis de Charlemagne des pouvoirs particulièrement étendus contre les Saxons insoumis. Sa juridiction s'était maintenue en Westphalie et son titre de délégué de l'empereur lui avait permis d'étendre peu à peu son autorité au-delà des limites de la contrée. Le pouvoir exceptionnel qu'il exerçait était justifié par l'état d'anarchie et les violences que la justice ordinaire était impuissante à réprimer. On avait accueilli comme échevins, juges, des hommes libres de toutes les parties de l'Allemagne. C'était un honneur que de faire partie de la Veume. Le nombre des tribunaux veumiques s'accrut. Ils ne jugeaient que les crimes capitaux, et la peine prononcée était toujours la peine de mort. La sentence avait les mêmes effets que la mise au ban de l'Empire. Celui qu'il frappait était mis hors la loi. Chacun pouvait le tuer et il était défendu de lui donner asile. La puissance arbitraire dont disposait ce tribunal répandit en Allemagne une grande terreur. Il en imposait aux brigands les plus féroces et permettait à de modestes seigneurs de faire juger les princes les plus puissants. D'abord publiques, les séances étaient devenues secrètes et même mystérieuses. Mais elles n'avaient pas lieu la nuit, ni dans des souterrains, et les accusés n'étaient pas soumis aux peines atroces qu'on a imaginées. Si la Westphalie a reçu le nom de terre rouge, elle le doit à la couleur de son sol et non au sang versé par ce tribunal. En reconnaissant la légalité des justices veumiques, Robert accrut leur importance. Elles restèrent longtemps le remède le plus efficace contre les violences de ces chevaliers pillards qui, du haut de leur château fort, rançonnaient sans pitié voyageurs et paysans. La juridiction de la Sainte-Veume ne disparut que lorsque l'administration de la justice se régularisa. Elle devint suspecte de partialité lorsqu'on se servit d'elle pour satisfaire des vengeances. Elle perdit sa force et ne se maintint jusqu'au XVIe siècle qu'à titre d'exception. Pendant le Concile de Pise de 1409, Robert voulut intervenir et faire reconnaître par la force des armes le pape de son choix, mais il mourut prématurément. 1410. Le règne de Robert est en somme très insignifiant. Le roi est généreux et bon, écrit un chroniqueur en 1407. Il voudrait venir à bout des princes, mais j'ai grand peur qu'il n'y arrive point, car il est pauvre. Une disposition du testament de Robert nous révèle en effet toute sa misère. Il ordonne de vendre, immédiatement après sa mort, sa couronne et d'autres joyaux précieux, afin de payer ses dettes chez divers fournisseurs de Heidelberg, et pour que quelques pauvres ouvriers puissent toucher ce qui leur est dû. Élection de Sigismond. Trois princes briguèrent alors la couronne et l'obtinrent simultanément. Wenceslas d'abord, qui prétendit être toujours empereur légitime. Son frère Sigismond, qui grâce à l'habileté de son ami Frédéric VI de Hohenzollern, burgrave de Nuremberg, réunit la majorité des suffrages. Et enfin, Jos, margrave de Moravie, son cousin. La mort de ce dernier et le désistement de Wenceslas débarrassèrent Sigismond de ses rivaux. Il fut élu une seconde fois à l'unanimité. On crut un instant qu'une ère meilleure allait s'ouvrir. Sigismond était le plus sympathique des princes de sa famille, remarquablement instruit, d'un extérieur agréable. Il était déjà margrave de Brandebourg et roi de Hongrie par son mariage avec l'héritière de ce pays. Mais il était, dit un chroniqueur, d'une volonté indécise. Il voulait aujourd'hui ceci et demain cela. La couronne, disait-il amèrement, ne peut plus apporter au souverain ni joie ni gloire. Elle n'est plus pour lui qu'un lourd fardeau, presque au-dessus de ses forces. Son règne a surtout quelque importance dans l'histoire générale de l'Europe pour la part qu'il prit au Concile de Constance et à la guerre des Hussites. Il profita aussi, en 1433, des réunions du Concile de Bâle pour s'occuper d'une réforme constitutionnelle de l'Empire. Un projet en 16 articles fut discuté et un écrit de circonstance, connu sous le nom de réforme de l'empereur Sigismond, fut répandu de tous côtés en Allemagne. Ce fut l'opposition irréductible entre la puissance royale et les principautés territoriales qui empêcha ce projet d'aboutir. On en retint seulement quelques dispositions relatives à la réorganisation des tribunaux. Progrès des maisons de Hohenzollern, de Wettin, de Habsbourg. Pendant la dernière partie de son règne, Sigismond favorisa tour à tour trois maisons princières, celle de Hohenzollern, celle de Wettin et celle de Habsbourg. Frédéric de Hohenzollern, burgrave de Nuremberg, avait toujours été son ami. Les riches domaines que ce prince possédait en Franconie ne suffisant pas à son ambition, il avait offert ses services à Sigismond et l'avait aidé dans le gouvernement de son royaume de Hongrie. Il s'était distingué contre les Turcs à Nicopolis, 1396. Ce fut à cet intelligent ministre que Sigismond dut, peu de temps après, 1410, la couronne d'Allemagne. Le burgrave de Nuremberg reçut comme récompense, en 1415, la marche de Brandebourg. Sigismond se réserva d'abord le droit de rachat, puis il renonça à cette dernière restriction et inféoda solennellement l'électorat à son ami, qui prit le nom de Frédéric Ier de Brandebourg. Le burgrave de Nuremberg était maintenant électeur et archichambellan de l'Empire. Il eut d'abord fort à faire pour contraindre à l'obéissance ses nouveaux sujets, mais son argent et ses canons, ses joujoux de Nuremberg, comme on les avait dédaigneusement appelés, finirent par triompher des résistances, et les châteaux forts des nobles récalcitrants furent détruits. L'œuvre commencée par Frédéric Ier fut continué par ses deux fils, Frédéric II, Dent de Fer, et Albert, l'Achille. Ce dernier surtout assura l'unité politique de la marche par la fameuse Dispositio Aquilea de 1473. Au terme de cette loi successorale, la marche elle-même, avec l'électorat et tous les droits qui pourraient y être joints dans l'avenir, était déclarée une et indivisible et transmissible de mâle en mâle par droit de primogéniture. La maison de Wettin possédait déjà la Misnie et la Thuringe. Frédéric le Belliqueux obtint de l'empereur ce qui restait encore du duché de Saxe, devenu vacant par l'extinction de la maison ascanienne et la dignité électorale. Les Wettin, qui figuraient déjà par l'importance de leur domaine au rang des maisons les plus considérables de l'Allemagne, prirent alors un grand ascendant, et les Hohenzollern, bien qu'arrivés à l'électorat 600 plus tôt, eurent pendant longtemps moins d'influence qu'eux dans l'Empire. C'est entre les deux petits-fils de Frédéric le Belliqueux que devait s'opérer en 1485 le partage qui a constitué les deux grandes lignes wettiniennes, la branche ernestine et la branche albertine, qui conserva l'électorat. Mais la maison qui fit alors le plus grand progrès fut celle de Habsbourg. Sigismond y choisit son gendre. En donnant la main de sa fille Élisabeth à Albert d'Autriche, il n'ouvrit pas seulement aux Habsbourg la succession de la Bohême et de la Hongrie, il prépara en outre leur retour sur le trône d'Allemagne. Avec Sigismond s'éteignit la ligne masculine de la maison de Luxembourg, qui avait fourni trois empereurs. Ces princes, dit un historien, ne furent pas à proprement parler de grands rois, mais des caractères souples, élastiques, toujours prêts, si une entreprise ne réussissait pas, à en recommencer une autre. S'ils ne purent réussir à grouper des éléments divers, à les maintenir, à les concentrer, il faut du moins reconnaître que ce ne fut pas une race sans idées et que ce fut surtout une race très active. Fin de la section 53.